certains jeunes sont dans la gêne par rapport à se dire salafi. Quelle est votre recommandation? Quelles sont vos recommandations pour ce genre de frères? Certains frères, ils sont dans la gêne de dire que je suis salafi. Ils sont dans la gêne par rapport au dire qu'ils sont salafis. Il dit, moi, je me limite à dire je suis musulman. Et je ne dis pas que je suis salafi. Pourquoi? Parce que ses frères, Cheikh, il a une autre réponse dans laquelle il a détaillé un point qu'il n'a pas cité ici. Il y a des frères qui confondent les deux usages du terme salafi. Salafi, ça peut se dire et être comme si, considéré comme une éloge. Salafi, je suis comme salaf dans leur adoration, dans leurs efforts, dans leur comportement. Ça, naam, on ne le dit pas. Mais salafi a un autre usage dans le sens où tu montres la méthodologie que tu suis. Tu suis le livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète, alayhi salam, avec la compréhension des compagnons, radiyallahu anhum. Salafi. Donc c'est pour montrer la méthodologie que tu suis dans la religion. Et non pas pour montrer la qualité de tes adorations et de ton comportement. La première, c'est une éloge. La deuxième, ce n'est pas une éloge. C'est juste tu montres, moi je suis cette méthodologie. Après, moi j'ai mes erreurs, j'ai mes faiblesses, j'ai ainsi de suite. Donc c'est de la deuxième qu'on parle ici. Chéri dit pourquoi il se gêne de le dire. Est-ce que l'appartenance au salaf représente une diminution pour lui ou un défaut? N'est-ce pas une affiliation aux compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et les tabi'in, ceux qui les ont suivis, parmi les hommes de science, et parmi les fuqaha, les juristes, et parmi les muhaddithin, les savants du hadith, et parmi les mufassirin, les exégèses, ceux qui ont l'aqida authentique, à toute époque et à tout endroit, ceux qui suivent la vérité, le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Est-ce que l'affiliation à cela représente une diminution ou un défaut afin d'être dans une gêne de le dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais par contre, celui qui suit le manhaj salafi et qui s'y conforme et qui dit je suis salafi, celui-là, on espère pour lui le bien. Par contre, s'il est dans la gêne de le dire, on craint qu'il soit châtié à cause de cette réticence et de cette gêne. C'est comme si tu avais honte de dire je suis salafi. Dans ce sens-là, il n'y a pas de mal à le dire. Au contraire, l'affiliation à la voie de salaf est une obligation. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Nabi Aïssa dit: Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin. Allah Azza wa Jalla dit: Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Pourquoi tu ne dis pas que tu es salafi? Alhamdulillah, qui nous a guidés dans la voie de salaf et nous lui demandons de nous aider à nous améliorer dans nos adorations, dans nos comportements. Mais on s'accroche à cette voie et à ses fondements, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos défauts, et la perfection appartient à Allah seul.